Chapitre 2e. Ces rues Montorgueil, à quelques pas du passage de la reine de Hongrie, qu'est situé l'établissement du puissant ami du père Tantaine, M. B. Mascaro. B. Mascaro est directeur d'un bureau de placement pour employés et domestiques des deux sexes. Deux grands tableaux, accrochés de chaque côté de la porte de la maison, apprennent aux intéressés les demandes et les offres de la journée et annoncent aux passants que l'agence fondée en 1844 est encore régie par son fondateur. C'est sans nul doute à ce long exercice d'une profession ordinairement ingrate que M. B. Mascaro doit sa réputation et la grande considération dont il jouit, non seulement dans son quartier, mais encore dans tout Paris. Les maîtres, assure-t-on, n'ont jamais eu à se plaindre d'un serviteur garanti par lui. Parmi les domestiques, il est avéré qu'il ne procure que des places où on a toutes les douceurs de la vie. Les employés, enfin, savent très bien que, grâce à ses connaissances, grâce à ses nombreuses relations et ramifications partout, il a toujours un bon emploi au service de qui sait lui plaire. M. Mascaro a d'autres titres à l'estime publique. C'est lui qui, le premier, vers 1845, conçut le projet d'organiser en société les gens de maison. On s'est emparé depuis de son idée et de son programme, mais il n'a pas réclamé. Il s'est consolé en prenant un associé, un sieur Beaumarchef, et en installant dans la maison même de son agence un hôtel garni où les domestiques sans place trouvent à crédit le logement et la nourriture. Si ces diverses entreprises ont servi la société, elles ont aussi profité à B. Mascaro. Il est propriétaire pour partie, on dit pour un quart, de la maison qu'il occupe. Eh bien, c'est devant cette maison qu'à midi, l'heure convenue, s'était arrêté Paul Violaine. Il avait utilisé les 500 francs de son vieux voisin, et un confectionneur lui avait improvisé une élégance qui n'était pas de trop mauvais goût. Même il était si bien, sous ses nouveaux vêtements, que les femmes qui y passaient se retournaient pour le voir encore. Lui n'y prenait garde. Il avait réfléchi depuis la veille, et maintenant, il se prenait à douter beaucoup du pouvoir de cet inconnu, qui, selon l'expression du père Tantaine, pour faire la fortune de quelqu'un n'avait qu'à le vouloir. « Un placeur, » murmura-t-il, « sûrement il va me proposer quelque emploi de 100 francs par mois. » Cependant, il était un peu ému, et avant d'entrer, il étudiait la maison, comme si elle eût pu lui apprendre quelque chose de celui qui l'habitait. Elle ressemblait à toutes les autres, avec ses deux corps de logis séparés par une cour mal tenue. Le bureau de placement et l'hôtel étaient au fond. Sous la porte cochère, l'encombrant de ses ustensiles, était un marchand de marrons, un jeune drôle à l'air insolent. « Allons, » se dit Paul, « restez ici, ne m'avance à rien, il faut voir. » Il traversa donc résolument la cour, monta un escalier en face, et arrivé au premier étage, voyant sur une porte le mot « bureau », il frappa. « Entrez !» cria une grosse voix. La porte n'était pas fermée, mais seulement maintenue par un poids, glissant au bout d'une corde. Paul n'eut qu'à pousser. La pièce où il pénétra ressemblait à tous les bureaux de placement de Paris. Tout autour régnait un large banc de chêne noirci et poli par l'usage. Au fond se trouvait une manière de loge grillée, entourée d'un rideau de serge verte, que dans la clientèle on appelait le confessionnal. Entre les deux fenêtres, sur une plaque de zinc, on lisait « Avis, l'inscription est payable d'avance ». Dans un des angles de la pièce, un monsieur était assis devant une grande table, et tout en écrivant sur un énorme registre, il donnait audience à une femme debout. « Monsieur Mascaro ?» demanda Paul timidement. « Que lui voulez-vous ? » fit le monsieur sans saluer. « S'agit-il d'une affaire ? Je le remplace. Désirez-vous vous faire inscrire ? Nous avons en ce moment 3 tenues de livres, une caisse, une correspondance, 6 emplois de ville. Vous avez de bonnes références ?» On eût juré que le monsieur récitait le tableau des offres accroché à la porte. « Pardon, » interrompit Paul, « je voudrais parler à M. Mascaro lui-même. Je lui suis envoyé par un de ses amis. » Cette simple déclaration parut impressionner le monsieur. Il quitta son air rogue et c'est presque poliment qu'il dit à Paul « Mon associé est en conférence, monsieur, mais il sera libre bientôt. Prenez la peine de vous asseoir. » Paul prit place sur le banc et, faute de mieux, se mit à examiner l'associé. Grand, robuste, éclatant de santé, cet associé porte les cheveux courts et, sous un nez odieusement busqué, il étale une paire de moustaches farouches, longues, lustrées, cirées, terminées en pointe. ton, tenue, cheveux, moustache, décèle l'homme qui tient à ce que chacun sache bien qu'il a été militaire. Il a servi en effet, assure-t-il, dans la cavalerie. C'est même au régiment qu'il a gagné le nom sous lequel il est connu, Beaumarchef. Abréviation soldatesque de beau maréchal des logis chefs. Son vrai nom est Durand. Il était jeune en ce temps. Il a plus de 45 ans maintenant. Ce qui ne l'empêche pas de jouir encore d'une réputation incontestable d'homme superbe. Sa besogne, qui consistait à écrire des noms à la suite les uns des autres, ne l'empêchait nullement de répondre juste à la femme placée devant lui. Cette cliente, qui par sa mise tenait le milieu entre la cuisinière et la marchande des halles, était ce qu'à Paris on appelle une forte commère. Elle ponctuait ses phrases de larges prises de tabac. Elle s'exprimait avec un accent alsacien des plus prononcés. « Finissons-en, » disait le sieur Beaumarchef. « Voulez-vous réellement vous replacer ?»« Oui, là, vraiment. » »« Vous en disiez autant la dernière fois que vous êtes venu, il y a plus de 6 mois. On vous trouve une bonne condition, vous y entrez, et paf, le 3e jour, vous rendez votre tablier sans raison. » »« Alors, j'étais pas dans le besoin. » Et à 7 heures, c'est différent. Je commence à voir la fin de mes économies. » Monsieur Beaumarchef posa sa plume et regardant finement la grosse femme comme s'il eût cherché la confirmation de quelques soupçons, il dit lentement « Vous aurez fait quelque folie. » Il détourna la tête et, sans répondre directement, se mit à se répandre en plainte sur la dureté des temps, sur la ladrerie des maîtres, sur la rapacité des jeunes dames qui ne permettent plus à leur cuisinière de faire danser l'anse du panier, se chargeant très bien elle-même de ce soin. Beaumarchef approuvait de la tête, exactement comme un quart d'heure plus tôt il donnait raison à une bourgeoise qui se plaignait amèrement des serviteurs. Son état d'intermédiaire exige cette diplomatie. Cependant, la grosse femme avait fini. Elle sortit d'un porte-monnaie bien garni le prix de l'inscription, le posa sur la table et dit « Allons, mon bon monsieur Beaumarch, prenez mon nom, Caroline Schimmel. Et tâchez de me trouver une bonne maison. Mais rien que pour la cuisine, vous entendez? Je fais le marché moi-même, et je n'aime pas voir la patronne sur le dos. C'est bien, on cherchera. Ah, si vous me trouviez un homme bœuf, cela m'irait assez bien. Ou bien encore une toute jeune femme avec un mari très vieux. Enfin, faites comme pour vous, je repasserai après-demain. » Et humant une prise de tabac plus forte que les autres, elle se retira. Paul, qui avait écouté, était confondu et aussi humilié que possible. C'est grâce au père Tantaine, pourtant, qu'il se trouvait attendre en ce lieu en pareille compagnie. Et attendre quoi? Déjà, il cherchait un prétexte honnête pour s'éloigner, résolu à ne plus revenir, quand la porte du fond s'ouvrit, donnant passage à 2 hommes qui, sur le point de se séparer, achevaient une conversation. L'un, jeune, élégamment vêtu, avait cette mine suffisante et cette désinvolture facile que d'aucuns prennent pour le suprême bon ton. Plusieurs ordres étrangers illustraient sa boutonnière. L'aspect de l'autre était celui d'un bon vieil avoué de petite ville. Il portait une chaude douillette de mérinos brun, avait aux pieds des chaussures fourrées et gardait sur la tête une calotte de velours, brodée sûrement par une main bien chère. Sa barbe rude, soigneusement taillée, s'appuyait sur une épaisse cravate blanche et la délicatesse de sa vue lui imposait des lunettes bleues. « Ainsi, cher maître, disait le jeune homme, je puis espérer, n'est-ce pas? Mon intérêt vous répond de moi. N'oubliez pas combien la situation est tendue. » « Je vous l'ai dit, monsieur le marquis, répondait l'homme à la cravate blanche. Si j'étais le maître, ce serait, oui, mais je dois consulter mes associés. » « Enfin, cher monsieur, conclut l'élégant, je compte sur vous. » Paul s'est élevé, réconcilié avec la maison, à la vue de ce jeune homme si décoré. L'autre, pensait-il, qui a une si bonne figure et les dehors d'un homme de loi, doit être M. B. Mascaro. Le marquis sortit. Paul allait se présenter, quand Beaumarchef, le devançant, vint se placer devant l'homme à la cravate blanche. « Devinez, patron, lui dit-il respectueusement, qui je viens de voir? Qui cela? Parle. Caroline Schimmel, vous savez, l'ancienne domestique de la duchesse de Chandos? Précisément. » M. Mascaro eut une exclamation de joie. « Voilà un vrai bonheur » s'écria-t-il. « Où demeure-t-elle » Cette question, si naturelle, concerna Beaumarchef. Lui qui toujours, oui toujours, puisque c'était la consigne, demande l'adresse de ses clientes, il n'avait pas demandé celle de Caroline. L'aveu de cet oubli fit bondir monsieur Mascarot. Même il s'oublia jusqu'à lâcher un juron, qui eut fait frémir un charretier. « Sacrebleu ! » cria-t-il. « On n'est pas inepte et sot à ce point. Voici une fille que depuis 5 mois je cherche partout Paris, tu le sais. Le hasard nous la livre et tu la laisses échapper. Elle reviendra, patron, elle l'a dit. Elle ne voudra pas perdre l'argent de l'inscription. Et elle se moque bien de 10 sous, de 10 francs. Elle reviendra si c'est sa fantaisie. Sinon, une fille qui boit, qui est à moitié folle. » Mais voici que Beaumarchais, enflammé d'un espoir soudain, avait pris son chapeau. « Elle ne fait que de partir, » dit-il. « Je cours. Je suis capable de la rejoindre. » Il s'élançait. M. Mascarot le retint. « Attends. Tu n'es pas le limier qu'il faut. Prends avec toi Toto Chupin, qu'il complace et marron. Et si vous rattrapez cette coquine, ne lui parlez pas, mais qu'il la suive et qu'il ne la lâche plus. Je veux savoir heure par heure tout ce qu'elle fait. Tout, tu m'entends ?» Beaumarchais dehors. Mais Mascarot continua à donner cours à sa mauvaise humeur. « Être servi comme cela, quelle misère ! Ah, il faudrait pouvoir faire tout soi-même. Je m'épuise à étudier une énigme indéchiffrable et cette ivrognesse en a certainement le mot. » Il était bien évident pour Paul qu'il n'avait pas été aperçu. Honteux de son indiscrétion involontaire, il prit le parti de tousser. Monsieur Mascarot se retourna, menaçant, terrible. « Vous m'excuserez ?» commença Paul. Mais déjà le placeur avait repris sa bonne et honnête figure. « Ah, j'y suis, monsieur Paul Violaine, n'est-ce pas ?» Le jeune homme s'inclina. « Eh bien, » reprit monsieur Mascarot, « je suis à vous à la minute. » Il disparut vivement par la porte du fond, et Paul avait à peine eu le temps de se remettre, qu'il s'entendit appeler. « Monsieur Paul, par ici, je vous prie, je n'ai pas de secret pour vous. » Comparé à la pièce d'entrée, à l'agence proprement dite, le cabinet particulier de M. Mascarot est un séjour de délices et de splendeur. On voit que les carreaux des fenêtres sont lavés quelquefois, le papier vert de la tenture est propre, il y a un tapis à terre. Aussi, combien de clients, parmi les meilleurs, peut se vanter d'avoir mis le pied dans ce sanctuaire ? Extraordinairement peu. Les affaires courantes du matin, à l'heure de la halle, se brassent en public autour de la table de M. Beaumarchais. Les négociations qui exigent plus de précautions se traite à voix basse dans le crépuscule du confessionnal. Mais Paul, ignorant les usages de la maison, ne pouvait apprécier convenablement l'immensité de la faveur qu'il admettait, lui, nouveau venu, à l'intimité du laboratoire. Lorsqu'il entra, B. Mascarot se chauffait à un bon feu de bois, assis dans un excellent fauteuil, le coude appuyé à son bureau. Et quel bureau ! Un monde ! C'était bien là le meuble de l'homme que harcèlent 1000 préoccupations diverses. Les cartons et les registres s'y entassaient en montagne. La tablette était couverte de quantités de petits carrés de papier très fort qu'on appelle des fiches, portant un nom en grosses lettres et au-dessous des notes et des indications d'une écriture menue et presque illisible. D'un geste paternel, M. Mascarot daigna indiquer à Paul un siège en face de lui, et c'est de la voix la plus encourageante qu'il dit « Causons ! » Non, en vérité, on ne feint pas. On ne saurait feindre les patriarcales apparences de B. Mascarot. Sa physionomie calme, reposée, miroir d'une conscience pure, et bien de celles qui font dire d'un homme « j'aimerais à lui confier ma fortune ». En l'examinant ainsi, Paul subissait l'ascendant de l'honnêteté, et il se sentait porté vers lui comme la faiblesse vers la force. Il s'expliquait l'enthousiasme du père Tantaine. Il bénissait le hasard qui, l'instant d'avant, l'avait empêché de s'esquiver. « Nous disons donc, » reprit M. Mascarot, « que vos ressources actuelles sont insuffisantes, nulles même, et que vous êtes décidé à tout entreprendre pour vous assurer une position. » Je vous répète là les propres expressions de ce pauvre diable de Tantaine. « Il a été, monsieur, le fidèle interprète de mes sentiments. » « Très bien. Seulement, avant de parler du présent et de songer à l'avenir, nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper du passé. » Paul eut un tressaillement très léger, que le placeur remarqua pourtant, car il ajouta « Vous excuserez l'indiscrétion, mais elle est nécessaire. J'ai ma responsabilité à mettre à couvert. Tantaine dit que vous êtes un charmant jeune homme, honnête, bien élevé. En vous voyant, je suis convaincu qu'il ne se trompe pas. Mais il me faut plus que des présomptions. Vous devez comprendre qu'avant de me porter votre garant, avant de répondre de vous à des personnes tierces, C'est trop juste, monsieur, interrompit Paul. Aussi suis-je prêt à vous répondre, je n'ai rien à cacher. » Un fin sourire, que le jeune homme ne surprit pas, effleura les lèvres de l'honorable placeur, et d'un geste qui lui était familier, il rajusta ses lunettes sur son nez. « Merci de vos bonnes dispositions, » fit-il. « Quant à me cacher quelque chose, ce n'est peut-être pas aussi aisé que vous le supposez. » Il prit sur un coin de son bureau un petit paquet de fiches, les fit glisser sous son pouce comme un jeu de cartes et poursuivit. « Vous vous nommez Marie-Paul Violaine. » Paul inclina la tête. « Vous êtes né à Poitiers, rue des Vignes, le 5 janvier 1843. Vous êtes par conséquent dans votre 24e année. » « Oui, monsieur. » « Vous êtes un enfant naturel. » La seconde question avait un peu surpris Paul. Celle-ci le stupéfia. « C'est vrai, monsieur, » répondit-il, sans essayer de cacher son étonnement. « J'étais loin de supposer M. Tantaine si bien informé. Je reconnais que la cloison qui sépare nos chambres est plus mince encore que je ne croyais. » M. Mascaro ne sembla pas entendre l'épigramme adressé au vieux clerc d'huissier. Il continua à remuer ses carrés de papier et à les consulter. Si Paul, moins naïf, se fut penché, il vit ses initiales PV en tête de chacune des fiches. « Madame votre mère, » reprit le digne placeur, « a tenu pendant les 15 dernières années de sa vie un petit magasin de mercerie, en effet. Que peut rapporter un petit commerce comme cela à Poitiers? Pas grand-chose, n'est-il pas vrai? Par bonheur, elle avait en outre, pour l'aider à vivre et à vous élever, une pension annuelle de 1 000 francs. » Cette fois, Paul bondit sur son fauteuil. Ce secret, il était bien certain que le vieux locataire de l'hôtel du Pérou n'avait pu le surprendre. « Monsieur !» balbutia-t-il absolument abasourdi. « Monsieur ! Qui a pu vous révéler un fait dont je n'ai parlé à personne depuis que je suis à Paris? Une circonstance de ma vie que Rose elle-même ignore. » Le placeur haussa bonnement les épaules. « Vous devez bien comprendre qu'un homme de ma position est obligé à des moyens particuliers d'investigation. Sans cela, ne serais-je pas trompé quotidiennement et par contre exposé à tromper les autres ?» Il n'y avait pas une heure que Paul avait passé le seuil de l'agence, mais déjà, il savait à quoi s'en tenir sur les moyens particuliers. Il se rappelait l'ordre donné au sieur Beaumarchef. « D'ailleurs, » poursuivit le placeur, « si je suis curieux par état, je suis discret aussi. Ne craignez donc pas de me répondre franchement. Comment cette rente parvenait-elle à votre mère ?»« Tous les 3 mois, par l'intermédiaire d'un notaire de Paris. » « Ah, connaissez-vous la personne qui les servait ?»« Aucunement. » Cependant, Paul commençait à s'inquiéter de cet interrogatoire. 1000 appréhensions vagues et inexpliquées tressaillaient en lui. Il avait beau chercher, il ne voyait ni le but, ni la portée, ni l'utilité de toutes ces questions. Puis, l'explication qui lui avait été donnée ne lui paraissait pas claire. On a beau disposer de moyens puissants, ce n'est pas en une matinée qu'on recueille des notions précises à ce point sur la vie d'un homme. Et cependant, rien dans l'attitude du digne placeur ne justifiait les craintes du jeune homme. Il semblait ne questionner ainsi que par habitude, avec l'insouciance de l'homme qui remplit les formalités de son état sans conscience de son horrible indiscrétion. Ce n'est qu'après un assez long silence qu'il reprit la parole. « Je suis là que je réfléchis, » dit-il, « et je vois que, selon toute probabilité, c'est votre père qui servait cette rente. »« Non, monsieur, non. » « Qui vous l'a affirmé ?»« Ma mère, monsieur. » Qui me l'a juré sur son salut. Et c'était une sainte, pauvre mère. Je l'aimais, et je la respectais trop pour lui parler de ces choses. Une fois, pourtant, poussée par je ne sais quelle misérable curiosité, j'ai osé la questionner, lui demander le nom de notre protecteur. Ses larmes m'ont cruellement fait sentir l'ignominie de ma conduite. Ce nom, je ne l'ai jamais su, mais je sais que mon père est mort avant ma naissance. M. Mascaro ne voulut pas remarquer l'émotion de son jeune client. « Comme cela, la pension ne vous a pas été continuée après la mort de madame votre mère ?»« Cette pension, monsieur, ne nous était plus servie depuis ma majorité. »« Ma mère, à cet égard, était prévenue. »« Il me semble que c'est hier qu'elle m'a appris cette nouvelle. »« C'était un soir, et comme c'était l'anniversaire de ma naissance, »« elle avait préparé un repas meilleur que de coutume, »« car elle fêtait ma venue au monde, qu'elle eut dû maudire, pauvre mère. »« Paul, me dit-elle, lorsque tu es né, » un ami généreux m'a promis qu'il m'aiderait à t'élever. Il a tenu sa parole. Tu as 21 ans. Nous ne devons plus rien espérer de lui. Te voici un homme, mon fils. Tu ne dois plus compter, je ne dois plus compter que sur toi. Travaille, sois honnête, et si jamais un devoir te paraît pénible, souviens-toi que ta naissance t'impose double obligation. » Paul s'interrompit, l'émotion le gagnait, de larmes chaudes roulèrent le long de ses joues. « 18 mois plus tard, reprit-il, ma mère mourait subitement, sans avoir eu le temps de se reconnaître. Désormais, j'étais seul au monde, sans famille, sans amis. Oh oui, je suis bien seul. Je puis mourir. Il n'y aura personne derrière mon corbillard. Je puis disparaître. Nul ne s'inquiétera, car nul ne sait que j'existe. » La physionomie de M. Mascaro était devenue sérieuse. « Eh bien, je crois que vous vous trompez, M. Violaine. Je crois que vous avez un ami. » M. Mascaro s'est élevé, comme s'il eût voulu dissimuler une émotion dont il n'était pas le maître, et il arpentait son cabinet de long en long, tracassant son beau bonnet de velours, ce qui chez lui est l'indice manifeste de sérieuses délibérations intérieures. Ce n'est qu'après un bon moment de cet exercice que, sa résolution prise, il s'arrêta brusquement, les bras croisés devant son jeune client. « Vous m'avez entendu, mon jeune ami, » prononça-t-il. « Je ne poursuivrai pas un interrogatoire qui a dû vous blesser. »« Je pensais, monsieur, » répondit Paul diplomatiquement, « que mon seul intérêt vous dictait toutes ces questions. »« C'est vrai. Je voulais vous éprouver, juger votre franchise. » »« Je puis bien vous l'avouer. Pourquoi ? Vous le saurez plus tard. Dès à présent, soyez bien persuadé que je n'ignore rien de ce qui vous concerne. »« Ah, vous vous demandez comment ? Permettez-moi de ne pas vous le dire. » Admettez une intervention miraculeuse du hasard. Le hasard, cela répond à tout. Jusqu'alors, Paul n'avait été que fort intrigué. Ses paroles ambiguës lui causaient un véritable effroi, que trahit aussitôt sa mobile physionomie. « Allons bon !» fit le digne placeur en redressant ses lunettes à travers lesquelles il voyait merveilleusement. « Voici que vous vous épouvantez. »« Il est vrai, monsieur, » balbutia Paul. « Pourquoi ?» Je me demande vraiment ce que peut craindre un homme dans votre position. Allons, cessez de vous creuser la cervelle, vous ne devinerez pas, et abandonnez-vous à moi, qui ne veux que votre bien. » Il dit cela du ton le plus doux et le plus rassurant, et regagnant son fauteuil, il continua. « Arrivons à vous. Grâce au dévouement de votre mère, qui était, vous l'avez dit justement, une sainte et digne femme, au prix d'héroïques privations, vous avez pu faire vos études au lycée de Poitiers, ni plus ni moins qu'un fils de famille. À 18 ans, vous avez été reçu bachelier. Pendant 1 an, sous prétexte d'attendre une inspiration du ciel, vous avez flâné. Enfin, en désespoir de cause, vous êtes entré en qualité de clerc chez un avoué. C'est parfaitement exact. Le rêve de votre mère était de vous voir établi aux environs, à Loudun ou à Civray. Peut-être comptait-elle, pour payer une charge, sur l'aide de l'ami qu'il avait si noblement assisté. Je l'ai toujours pensé. Malheureusement, le papier timbré ne vous plaisait pas. À ce souvenir, Paul ne put retenir un sourire, qui déplut à M. Mascaro, car il ajouta avec une certaine sévérité, « Je dis malheureusement, et vous avez assez souffert pour être de mon avis. Au lieu de grossoyer à l'étude, que faisiez-vous ? Vous vous occupiez de musique. Vous composiez des romances et même des opéras. Vous n'étiez pas fort éloigné de vous croire un génie de premier ordre. » Paul, qui jusqu'alors avait tout subi sans trop se révolter, atteint en plein cœur par ce sarcasme, essaya de protester, en vain. « En somme, » poursuivit le placeur, « un beau matin vous avez abandonné l'étude, et vous avez déclaré à votre mère qu'en attendant d'être un illustre compositeur, vous vouliez donner des leçons de piano. Vous n'en avez pas trouvé, et même vous étiez naïf d'en chercher. Faites-moi le plaisir de vous regarder, et dites-moi si vous avez la figure et la tournure d'un professeur à placer près de jeunes demoiselles. » Craignant sans doute quelque trahison de sa mémoire, M. Mascaro s'arrêta pour consulter ses fiches. « Finissons, » reprit-il. « Votre départ de Poitiers a été votre dernière folie et la plus grande. Le lendemain même de la mort de votre mère, vous vous êtes occupé de réaliser tout ce qu'elle possédait. Vous avez recueilli 1 millier d'écus et bravement vous avez pris le chemin de fer. C'est qu'alors, monsieur, j'espérais. Quoi ? Arriver à la fortune par le chemin de la gloire. Fou ! Tout Tous les ans, 1000 pauvres garçons comptent enivrer les louanges de leur sous-préfecture arrivent à Paris, enfiévrés d'un pareil espoir. Savez-vous ce qu'ils deviennent? Au bout de 10 ans, 10 ans au plus, ont tant bien que mal fait leur chemin, 500 sont morts de misère. De rage et de faim, les autres sont enrôlés dans le régiment des déclassés. Tout cela, Paul se l'était dit. Il avait mesuré ce qu'il faut juste d'énergie pour vouloir chaque matin en s'éveillant ce qu'on voulait la veille, et cela durant des années. Ne trouvant rien à répondre, il baissait la tête. « Si encore, disait M. Mascaro, si encore vous étiez venu seul, mais non !» Vous étiez pris à Poitiers d'une jeune ouvrière, une certaine Rose Pigoreau. Vous n'avez rien trouvé de plus sage que de l'enlever. Et monsieur, si je vous expliquais, inutile, les résultats sont là. En 6 mois, les 3 000 francs ont été flambés. Puis la gêne est venue, puis la détresse, puis la faim. Et en dernier lieu, échoué à l'hôtel du Pérou, vous pensiez au suicide. Quand vous avez rencontré mon vieux Tantaine. Ces vérités étaient cruelles à entendre. Et Paul avait une furieuse envie de se fâcher. Mais alors, adieu, la protection du puissant placeur. Il se contint. « Soit, monsieur, » fit-il amèrement, « j'étais fou. La misère m'a rendu sage. Si je suis ici, c'est que j'ai renoncé à toutes mes chimères. Renoncez-vous aussi à mademoiselle Pigoreau ?» Le jeune homme, à cette question ainsi posée, pâlit de colère. « J'aime Rose, monsieur, » répondit-il d'un ton sec. Je croyais vous l'avoir dit. Elle a eu foi en moi. Elle partage courageusement ma mauvaise fortune. Je suis sûr de son affection. Rose sera ma femme, monsieur. » Lentement, M. Mascaro retira son superbe bonnet grec, et de l'air le plus sérieux, sans la moindre nuance d'ironie, il s'inclina très bas en disant « Excusez. » Mais il ne pouvait entrer dans ses intentions d'insister sur ce sujet. « Voyons donc, reprit-il, votre bilan établi. Il vous faut un emploi, et vite. Que savez-vous faire? Peu de choses, n'est-ce pas? Vous êtes comme tous les jeunes gens élevés dans les lycées, aptes à tout et propres à rien. Si j'avais un fils, eussé 100 000 livres de rente, il apprendrait un métier. » Paul se mordait les lèvres, ne reconnaissant que trop la justesse de l'appréciation. N'avait-il pas, la veille, souhaité le sort de ceux qui peuvent gagner leur vie avec leurs bras? Et cependant, lisait le placeur, il faut que je vous case. Je suis votre ami, et mes amis ne restent jamais en route. Voyons. Que diriez-vous d'une situation d'une 12 000 francs par an? Ce chiffre, comparé aux plus audacieuses espérances de Paul, était encore si fabuleux qu'il pensa que le placeur s'amusait de son inexpérience. Il est peu généreux à vous de me railler, monsieur, fit-il. Mais B. Mascaro ne raillait pas. Seulement, il lui fallut un bon quart d'heure pour prouver à son jeune client que, de sa vie, il n'avait parlé plus sérieusement d'une affaire sérieuse. Très probablement, il eût perdu ses frais d'éloquence si, à bout de raison, il ne lui était venu à la pensée de dire « Pour me croire, vous exigez des preuves. Voulez-vous que je vous avance votre premier mois ?» Il tendit un billet de 1 000 francs qu'il avait pris dans le tiroir de son bureau. Paul repoussa le billet, mais force lui était de se rendre devant ce puissant argument. Alors, pris d'anxiété terrible, il demandait si cet emploi si magnifique, si inespéré, il serait capable de le remplir. Eh, vous le proposerais-je s'il était au-dessus de vos moyens? Répondait le digne placeur. Je vous connais, n'est-ce pas? Si je n'étais pas très pressé, je vous expliquerai sur le champ la nature de vos fonctions. Ce sera pour demain. Soyez ici comme aujourd'hui, entre 12 et 1 heure. Si bouleversé que fût Paul, il comprit qu'en restant, il serait importun, et il se leva. « Un mot encore, » fit le placeur. « Vous ne pouvez rester à l'hôtel du Pérou. Cherchez-vous immédiatement une chambre dans ce quartier, et dès que vous l'aurez trouvée, apportez-moi l'adresse. Allons, à demain, et soyons forts, sachant porter la prospérité. » Pendant près d'une minute encore, M. Mascaro resta debout près de son bureau, prêtant l'oreille, étudiant le bruit des pas de Paul, qui s'éloignait chancelant sous le poids de tant d'émotions diverses. Lorsqu'il fut bien certain qu'il avait quitté l'appartement, il courut à une porte vitrée qui donnait dans sa chambre et l'ouvrit en disant « Ortebise, docteur, tu peux venir, il est parti. » Un homme aussitôt entra vivement et alla se jeter dans un fauteuil près du feu. « Brrr » disait-il, J'ai les pieds engourdis. On me les couperait que je ne les sentirais pas. C'est une glacière, ta chambre, ami Baptistin. Une autre fois, tu me feras faire du feu, hein ? Mais rien ne peut détourner M. Mascaro du but de ses pensées. « Tu as tout entendu ? » demanda-t-il. « J'entendais et je voyais comme toi-même. Eh bien, que penses-tu du sujet ?»« Je pense que Tantaine est un homme très fort. Et qu'entre tes mains, ce joli garçon ira loin. »